الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد, chers auditeurs, nous en sommes aujourd'hui à la neuvième cause mentionnée par l'imam Sa'di rahimahullah ta'ala parmi les causes permettant l'augmentation de la récompense de nos bonnes actions. Il a dit rahimahullah, on compte aussi parmi les causes l'aumône faite à partir d'un bon revenu, comme cela est mentionné dans les textes. Nous avons vu dans un cours précédent le mérite de l'aumône, et plus particulièrement des dépenses faites sur le sentier d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ici l'auteur, rahimahullah, attire notre attention sur le mérite de gagner de bons revenus, c'est-à-dire des revenus licites et permis, en s'éloignant de tout ce qui pourrait les rendre interdits, comme la tromperie dans la vente et l'achat, l'usure, les commerces interdits, et ainsi de suite, parmi les sources de revenus qui peuvent être interdites dans notre législation. Donc, la personne a tout d'abord un mérite à gagner de bons revenus et à veiller à ce que ses revenus soient licites. Puis, une fois ses revenus gagnés de façon licite, il lui est recommandé, et elle a un mérite, le musulman a un mérite, à dépenser ses revenus d'une manière qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Et entre dans cela le fait de dépenser son argent en aumône. Et ceci est une cause d'augmentation de la récompense pour le serviteur. Car généralement, les âmes ont un penchant pour l'argent et les richesses de ce bas monde. Nombreux sont ceux donc à convoiter cet argent et à chercher à l'acquérir par tout moyen, même si cela est par des moyens illicites. Combien sont ceux à transgresser les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala pour s'enrichir et pour courir après des biens vils parmi les biens vils de ce bas monde. Le croyant est donc récompensé en bien lorsqu'il s'éloigne de l'illicite et des choses ambiguës et qu'il veille à ne gagner que des revenus licites, aussi minimes soient-ils. Et lorsqu'il gagne de l'argent, généralement le penchant pour l'argent et le penchant pour les richesses fera tomber le serviteur dans l'avarice et la crainte de la pauvreté. Et le diable le pousse à cela, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit au verset 268 de Surat al-Baqarah. الشيطان يعيدكم الفقر. Le diable vous fait craindre la pauvreté. C'est-à-dire qu'il suggère à l'homme que s'il dépense son argent, il va s'appauvrir. Il va être dans le besoin. Il lui suggère cela afin qu'il ne dépense pas son argent. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَى. Et il vous ordonne des actions honteuses. Quelles sont ces actions honteuses? Il pousse l'homme à l'avarice et à ne pas verser la zakat obligatoire, sans même parler des aumônes surérogatoires. C'est à cela que le diable va pousser l'homme, en lui faisant craindre la pauvreté. وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا. Tandis qu'Allah vous promet un pardon de sa part, un pardon de vos péchés, et faveur venant de lui, une subsistance qui viendra remplacer ce que vous avez dépensé. وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Et Allah est celui qui fait largesse, et il est Al-Alim, celui qui sait toutes choses. On voit donc que le serviteur, qui patiente face à la convoitise, en veillant à ne gagner ses revenus que de façon licite, puis patiente face à l'avarice, en veillant à dépenser son argent dans le bien, alors celui-ci a un mérite immense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ses dépenses sont un signe évident de sa foi en Allah et de sa certitude en la promesse de son Seigneur. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, et l'aumône est une preuve évidente. C'est-à-dire que c'est une preuve évidente de la véracité de la foi de son auteur, dont le cœur s'est détaché de l'attachement à cet argent, de l'attachement à ses biens éphémères, et les a dépensés pour Allah subhanahu wa ta'ala, afin d'obtenir auprès de lui des biens éternels et des récompenses dans l'au-delà. Et si telle est la situation, il ne fait aucun doute que celui-ci verra sa récompense augmenter, incha'Allah ta'ala. Et l'auteur nous dit que ceci est démontré par de nombreux textes. Mais on se contentera ici d'un verset et d'un hadith. Le verset est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans surat al-Baqarah au verset 245 lorsqu'il a dit « Man zalladhi yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan kathira » Celui qui fait à Allah un bon prêt, c'est-à-dire en dépensant ses biens dans ce qui lui permet d'obtenir la récompense de son Seigneur subhanahu wa ta'ala, il le multipliera alors pour lui de nombreuses fois. Il le multipliera pour lui de nombreuses fois. Il verra sa récompense augmenter, incha'Allah ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala, celui qui donne en aumône l'équivalent d'une date acquis d'une bonne manière, car Allah n'accepte que ce qui est bon. On retrouve ici la condition mentionnée par l'auteur. L'aumône faite à partir d'un bon revenu, un revenu licite. Car Allah est bon et n'accepte que ce qui est bon. Allah, il n'accepte pas les dépenses faites à partir de biens obtenus de façon illicite. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui donne en aumône l'équivalent d'une date, ce n'est pas grand chose, acquis d'une bonne manière, car Allah n'accepte que ce qui est bon. Alors Allah subhanahu wa ta'ala la prendra dans sa main droite et la fera fructifier pour son auteur comme l'un d'entre vous élève son poulain jusqu'à ce qu'elle devienne comme une montagne. Allahu Akbar. Il dépense l'équivalent d'une date et Allah subhanahu wa ta'ala lui fait fructifier cette aumône jusqu'à ce qu'elle devienne comme une montagne. Et ceci est une preuve explicite que celui qui fait une aumône à partir d'un bon revenu, alors il verra sa récompense augmenter et multiplier de nombreuses fois auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, a mentionné trois autres causes qui sont relativement proches et il a dit. Et parmi elles, parmi les causes d'augmentation de la récompense de nos bonnes actions, il y a la noblesse du moment, comme Ramadan, les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah et autres moments semblables. La noblesse du lieu, comme l'adoration dans les 3 mosquées et l'adoration durant les moments que le législateur a encouragé à viser, comme la prière en fin de nuit, le jeûne durant les jours méritoires et autres choses semblables. Ces 3 causes mentionnées ici par l'auteur, rahimahullah ta'ala, sont donc des causes d'augmentation de la récompense des œuvres. La première est la noblesse du moment. C'est-à-dire que l'adoration soit faite durant un moment méritoire, un moment qui se distingue des autres moments par son mérite. Et il a mentionné 2 exemples. Le premier est Ramadan. Ramadan qui est le meilleur des mois de l'année. Ces 10 dernières nuits sont les meilleures nuits de l'année. Et dans ces 10 dernières nuits, il y a la nuit du destin. Cette nuit qui est meilleure que 1000 mois. Cette nuit durant laquelle l'œuvre que fait le serviteur est meilleure que la même œuvre accomplie durant 1000 mois. Donc le mois de Ramadan est un moment noble, durant lequel la récompense des bonnes actions est augmentée plus que durant d'autres périodes de l'année. Le deuxième exemple qu'il a mentionné, c'est les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah. Dhul-Hijjah qui est un des mois sacrés et qui est le dernier mois de l'année hégirienne. Et ces 10 premiers jours, ces jours durant lesquels nous sommes actuellement, sont les meilleurs jours de l'année de façon absolue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique, « Il n'y a pas de jours durant lesquels les œuvres de bien sont plus méritoires que durant ces 10 jours. » Donc les bonnes actions accomplies durant ces jours, elles ont, incha'Allah ta'ala, des récompenses augmentées et grandement multipliées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis le shaykh rahimahullah ta'ala a dit, et autres moments semblables, c'est-à-dire parmi les moments méritoires durant lesquels les récompenses sont augmentées, comme le jour de Arafah, le jour de Ashura, la nuit du destin que l'on a mentionné, et autres parmi les moments méritoires durant lesquels Allah subhanahu wa ta'ala augmente pour son serviteur la récompense de ses bonnes actions. La deuxième cause qu'il a mentionnée dans ce passage est la noblesse du lieu. c'est-à-dire que l'adoration soit faite en un lieu méritoire, qui se distingue des autres lieux par son mérite. Et il a mentionné l'exemple des trois mosquées. Les trois mosquées qui sont la mosquée sacrée de la Mecque, la mosquée sacrée de Médine et le masjid al-Aqsa à Jérusalem. Il est confirmé du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit que la prière dans la mosquée sacrée de la Mecque est meilleure que 100 000 prières accomplies dans une autre mosquée. Meilleure que 100 000 prières. On a vu que la bonne action, elle peut être multipliée de 10 jusqu'à 700 fois ou plus encore. La prière qui est faite dans la mosquée sacrée de la Mecque, elle est meilleure que 100 000 prières. C'est un mérite immense à ne pas négliger pour celui qui a l'occasion de se rendre à la mosquée sacrée. Il multiplie les prières afin de s'élever en degré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également, il est confirmé du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit que la prière dans sa mosquée est meilleure que 1000 prières accomplies dans une autre mosquée, à l'exception de la mosquée sacrée de la Mecque. Meilleure que 1000 prières. Et la prière au masjid al-Aqsa est meilleure que 500 prières accomplies dans une autre mosquée, à l'exception bien sûr des deux mosquées sacrées. On voit donc ici une augmentation immense des récompenses. Et de manière générale, la récompense de l'ensemble des bonnes actions est augmentée. Mais les nombres particuliers mentionnés dans le hadith concernent spécifiquement la prière. Quant aux autres actions, parmi les bonnes actions accomplies à Mecca ou à Médina, alors elles ont également une récompense augmentée. Mais on ne connaît pas un nombre particulier de cette augmentation. Et avant de passer à la suite, j'attire votre attention sur le fait que le Masjid al-Aqsa, à Jérusalem, ce n'est pas la mosquée du Dôme du Rocher par laquelle elle est souvent représentée. Souvent, lorsqu'on représente Jérusalem, on montre cette mosquée avec un dôme doré, et nombre de musulmans pensent que c'est cela, Al-Masjid al-Aqsa. Et ceci est une erreur, et c'est une chose importante à souligner. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné, parmi ses causes, dans ce passage, l'adoration durant les moments que le législateur a encouragé à viser. C'est-à-dire qu'il y a des moments méritoires, durant lesquels Allah subhanahu wa ta'ala nous a encouragés et nous a enjoints d'accomplir certaines actions. Celui qui accomplit ses actions durant ces moments, il verra sa récompense augmenter, incha'Allah ta'ala. Et l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous a donné l'exemple de la prière en fin de nuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique que la meilleure prière après la prière obligatoire est la prière de nuit. Donc la prière de nuit fait partie des prières surrogatoires les plus méritoires. Et en fin de nuit, elle a un mérite encore plus particulier. Premièrement, car Allah subhanahu wa ta'ala a fait de cette prière une caractéristique de ses serviteurs croyants. Il les décrit ainsi dans son noble livre. « Kanu qalilam min al-layli ma yahja'oun » Ils dormaient peu la nuit. Ils passaient leur nuit en prière. « Wa bil asharihum yastaghfiroun » Et aux dernières heures de la nuit, au dernier moment de la nuit, ils faisaient l'istighfar. Ils imploraient le pardon d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc ceci est une adoration à un moment particulier qui a un mérite spécifique et une récompense augmentée. D'autant plus que durant les dernières heures de la nuit, Allah subhanahu wa ta'ala descend au ciel le plus proche de ce bas monde. Comme cela est rapporté dans les deux recueils authentiques d'Al-Bukhari et Muslim rahimahumallahu ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Notre Seigneur descend chaque nuit vers le ciel le plus proche lorsqu'il ne reste que le dernier tiers de la nuit. Il dit alors « Qui m'invoque afin que je l'exauce ? Qui me sollicite afin que je lui donne ? Qui implore mon pardon afin que je lui pardonne ? » Et ce, jusqu'au lever de l'aube. Jusqu'au lever de l'aube. On voit donc que ce moment est un moment particulier, durant lequel il est très méritoire pour le croyant de se lever afin d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, de le solliciter et de lui demander le pardon de ses péchés. Puis le cheikh rahimahullah ta'ala a mentionné un autre exemple qui est le jeûne durant les jours méritoires. Et il vise par cela, par exemple, le jeûne durant le mois de Muharram, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique que le meilleur jeûne après le jeûne obligatoire est le jeûne du mois d'Allah, Al-Muharram. Également, il y a le jeûne durant le mois de Sha'ban, le mois qui précède Ramadan, durant lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait de nombreux jours. Également, il y a le jeûne des 6 jours de Shawwal, après avoir terminé le jeûne de Ramadan, qui permet aux croyants d'obtenir la récompense du jeûne d'une année. Également, il y a le jeûne de 3 jours par mois, le jeûne du lundi et du jeudi, le jeûne du jour de Arafat, le jeûne du jour de Ashura, et ainsi de suite, parmi les jours de jeûne surérogatoires. Le fait de veiller à jeûner durant ces jours méritoires permet à la personne d'avoir une récompense augmentée. Il n'y a qu'à méditer à ce sujet sur la récompense du jeûne du jour de Arafat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé à ce sujet et il répondit « Il expie les péchés de l'année passée et de l'année suivante. Un seul jour de jeûne pour 2 années de péchés pardonnés. » Tu vois ici que c'est une récompense augmentée. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit « Et autre chose semblable, c'est-à-dire d'autres moments que le législateur a encouragé à viser. » On peut citer par exemple l'invocation. Il y a des moments particuliers où l'invocation est plus recommandée qu'à d'autres et qu'elle est plus propice à être exaucée, comme entre l'adhan et l'iqama, durant le dernier tiers de la nuit comme on l'a mentionné, durant la dernière heure du vendredi, le jour de Arafat également, et ainsi de suite parmi les moments durant lesquels il est recommandé pour le croyant de multiplier les invocations afin de voir ses demandes acceptées et exaucées par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci fait partie des actes aux récompenses augmentées. Après avoir mentionné ces 3 causes, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a souligné un point important, il a dit « Et tout cela revient à la concrétisation du suivi du messager, sallallahu alayhi wa sallam, avec la sincérité dans les œuvres qui fait augmenter leur récompense auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. » Tout cela revient à la concrétisation du suivi du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Ces 3 causes qu'il a mentionnées, la noblesse du moment, la noblesse du lieu et les moments particuliers que le législateur a encouragé à viser par certaines œuvres. Comment peut-on avoir connaissance de cela? Comment peut-on connaître la particularité de ces moments que l'on a mentionnés, la particularité de ces lieux, si ce n'est par les textes du Coran et de la Sunnah? Donc celui qui accomplit ses actes en ces lieux et en ces moments particuliers, il ne peut les accomplir qu'après avoir cherché à se conformer à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, car ses mérites ont été démontrés dans les textes de la législation. Donc il va concrétiser le suivi du messager sallallahu alayhi wa sallam en visant particulièrement ces lieux et ces moments. Et l'auteur rahimahullah ta'ala nous dit « Avec la sincérité dans les œuvres qui fait augmenter leur récompense auprès d'Allah, car cela ne peut être profitable que si le serviteur veille à être sincère dans ses actions, à ne les vouer qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, tout en s'éloignant de tout ce qui s'oppose à la sincérité, parmi la recherche des compliments, l'amour des éloges, la recherche des bienvilles de ce bas monde, l'amour de la notoriété, et ainsi de suite parmi ce qui peut se trouver dans le cœur des serviteurs au point de souiller leurs intentions et leur faire perdre la récompense de leurs bonnes actions, Allahul Musta'an. » Donc, comme on l'a mentionné déjà dans le premier cours, le serviteur doit veiller avant tout à remplir ces 2 conditions. Et celui qui remplit ces 2 conditions dans ses actions, et qui accomplit ces actions que l'auteur, rahimahullah ta'ala, vient de mentionner, en ces lieux particuliers ou en ces moments particuliers, alors il ne fait aucun doute qu'il obtiendra des récompenses augmentées de la part d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, a mentionné une autre cause et il a dit « Parmi les causes d'augmentation, c'est-à-dire de la récompense de nos bonnes actions, il y a l'accomplissement des œuvres pieuses en présence d'obstacles intérieurs et extérieurs. Plus les obstacles sont forts et les raisons d'abandonner nombreuses, plus l'action est complète et sa récompense multipliée. Les exemples à ce sujet sont très nombreux, mais ceci est la règle, c'est-à-dire ceci est la règle à retenir. » Le Cheikh, rahimahullah ta'ala, nous explique ici que le serviteur peut parfois rencontrer, sur le chemin de l'accomplissement de certaines actions, certaines embûches et certains obstacles. Et ces obstacles, ils peuvent se trouver en lui-même, ou alors cela peut être des obstacles extérieurs à sa propre personne. Et s'il fait face à ces obstacles et qu'il accomplit effectivement les bonnes actions qu'il souhaitait accomplir. Alors ceci démontre la force de sa foi. Et c'est pour cela que son action dans cette situation est plus complète et sa récompense multipliée. Car il est digne de recevoir une récompense augmentée bi'idhnillahi ta'ala. Et l'auteur, rahimahallahu ta'ala, nous a mentionné que les obstacles sont de deux sortes. Il y a des obstacles qui sont intérieurs, c'est-à-dire qui sont intérieurs à la personne, propre à elle-même, et des obstacles qui sont extérieurs, c'est-à-dire extérieurs à sa propre personne. Parmi les obstacles intérieurs, il y a tout ce que la personne peut trouver en elle-même comme wasawis, les suggestions du diable, les suggestions de son âme incitatrice au mal, qui le pousse à délaisser les œuvres de bien. Également, parmi les obstacles intérieurs, il y a la paresse, l'amour du repos et de l'oisiveté. Combien sont ceux, en raison de leur paresse et de leur amour de ne rien faire, l'amour de l'oisiveté, à se priver durant de longues heures, voire même des journées, des semaines, des mois et des années, à l'accomplissement de nombreuses bonnes actions. Également, parmi les obstacles intérieurs, il y a la peur de faire face aux difficultés. Il sait que s'il accomplit une œuvre, parmi les œuvres de bien, il va rencontrer certaines difficultés. S'il laisse pousser sa barbe, il va rencontrer peut-être certaines difficultés pour trouver du travail. Il va subir les regards méprisants dans la rue ou autre chose semblable. Et de la même manière, la femme concernant le voile légiféré. Cette peur de faire face aux difficultés peut empêcher la personne d'accomplir ses bonnes actions. La peur du blâme des gens, la peur du regard des gens, la peur de leurs paroles, la peur de leurs moqueries. Tout cela peut pousser la personne à abandonner certaines bonnes actions. Et le croyant, il ne doit pas tenir compte de cela. Il doit placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et savoir que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné, c'est pour son bien et dans son intérêt. Donc il se soumet aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala dans leur intégralité afin de se rapprocher de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et il ne tient pas compte des blâmes de ceux qui blâment. Il ne tient pas compte du regard des gens. Il ne tient pas compte de leurs paroles, de leurs moqueries, ainsi de suite. Également, parmi les obstacles intérieurs, il y a la peur de la pauvreté, comme on l'a vu au sujet de l'aumône. La peur de la pauvreté, elle peut pousser la personne à faire preuve d'avarice, ne pas sortir sa zakat obligatoire, ou alors ne pas chercher à dépenser ses biens dans ce qui lui incombe. Nombre de personnes font preuve d'avarice au sein de leur foyer. Ils ont femmes et enfants à leur charge. Ils ont de l'argent, mais ils ne veulent pas le dépenser. Ils travaillent, ils gagnent de l'argent, ils font du commerce, ils gagnent de l'argent, ils économisent, mais ils ne dépensent pas son argent. Il vit comme un pauvre. Sa femme a besoin de choses pour la maison, il ne veut pas les acheter. Ses enfants ont besoin de certaines choses, il ne veut pas les acheter. Pourquoi ? Non pas par manque de moyens, mais par avarice, par amour des biens de ce bas monde. Donc, il se prive de toutes ses bonnes actions en raison de cet obstacle intérieur, cette peur et cette maladie qui est en lui. Et de la même manière, nombreux sont ceux, en raison de ses peurs, à délaisser l'obligation de la hijra, le fait de quitter la terre de mécréance pour se rendre vivre en terre d'islam, par peur de la pauvreté, par peur pour sa santé, ou autre parmi les peurs et les wasawis, et les suggestions du diable et de l'âme incitatrice au mal, jusqu'à délaisser l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et tomber dans les péchés wa l'ayadu billah. Donc le musulman, il doit faire face à tous ces obstacles qui sont en lui-même. Celui qui est à blâmer, c'est lui-même, ce n'est pas les autres. Mais il doit tout d'abord chercher à faire face à tous ces obstacles et toutes ces embûches qui sont en sa propre personne. Et ceci demande de la patience, une foi forte et une croyance certaine et une certitude en la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième type d'obstacle, ce sont les obstacles extérieurs. Le découragement des gens, leurs moqueries, leurs paroles, leurs regards et ainsi de suite. Ceci sont des choses qui peuvent parfois pousser la personne à délaisser les œuvres de bien. Également les troubles et les fitanes, les discordes peuvent pousser la personne à délaisser le bien et à s'en détourner. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a encouragés à nous empresser vers l'accomplissement des œuvres de bien avant l'arrivée de troubles obscurs. Car durant les troubles, Nombreux sont ceux à être préoccupés par les troubles, à s'occuper des troubles, à n'avoir que cela sur le bout de leur langue, et à délaisser nombre d'œuvres de bien, comme le rappel d'Allah, l'apprentissage de la science et sa diffusion, et ainsi de suite. Donc ceci fait partie des obstacles extérieurs qui peuvent empêcher la personne d'accomplir certaines œuvres de bien. Et combien sont ceux à s'être éloignés de l'étude de la science en raison des troubles? Combien sont ceux également à s'être éloignés de l'étude de la science tout simplement en raison de leur paresse? Ils préfèrent passer ses journées à ne rien faire ou alors passer ses journées sur les réseaux sociaux ou autres plutôt que de prendre un livre ou d'assister à un cours. D'autres ont délaissé cela car ils ont été découragés par des wasawis, des suggestions des démons parmi les djinns et les hommes, qui les ont fait préférer le repos et la distraction à l'apprentissage de la science. Combien sont ceux à avoir délaissé le commandement du bien et l'interdiction du mal, par peur de la réaction des gens, par peur des remarques des gens, par peur qu'ensuite les gens se mettent à analyser leurs actions, sous prétexte que ils ont des manquements dans l'accomplissement de leurs obligations ou dans le délaissement des interdits, alors ils ne commandent pas le bien et ils n'interdisent pas le mal. Et ceci est une erreur. Donc celui qui fait face à tous ces obstacles intérieurs et extérieurs et qui parvient à accomplir la bonne action qu'il souhaitait accomplir, alors il verra sa récompense augmenter, Inch'Allah ta'ala. Et le Cheikh rahimahullah ta'ala nous dit, plus les obstacles sont forts et plus les raisons d'abandonner sont nombreuses, plus l'action est complète et sa récompense multipliée. Plus les obstacles à franchir sont nombreux, et plus les choses poussant la personne à abandonner l'œuvre seront nombreuses, plus sa récompense sera grande s'il finit par accomplir cette œuvre. Donc ceci nous encourage à redoubler d'efforts pour faire face à ces obstacles et nous soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Et le Cheikh rahimahullah ta'ala nous dit que les exemples à ce sujet sont très nombreux, mais que ceci est la règle à retenir. Et parmi les preuves de cette règle, on peut citer la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith rapporté par l'imam Muslim rahimahullah ta'ala, dans lequel il a dit: ne vais-je pas vous indiquer ce par quoi Allah subhanahu wa ta'ala expie les péchés et élève en degré? Alors ils dirent: mais si, au messager d'Allah. Il répondit: par faire ses ablutions malgré la difficulté, faire de nombreux pas en direction des mosquées et attendre la prière jusqu'à l'autre prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici nous mentionne trois actions par lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala expie les péchés de la personne et l'élève en degré. La première, c'est le wudu, les ablutions, malgré la difficulté, c'est-à-dire lorsqu'il fait froid, que la personne a du mal à passer l'eau sur ses membres en raison du froid, mais qu'elle patiente tout de même et parfait ses ablutions, elle s'applique pour que l'eau passe bien sur l'ensemble de ses membres des ablutions. Ceci est un acte par lequel Allah subhanahu wa ta'ala expie les péchés de la personne et l'élève en degré. Également, il a mentionné les nombreux pas en direction des mosquées. Il n'a pas mentionné seulement les pas, car les pas ont un mérite immense. Un des pas élève la personne d'un degré et l'autre expie un péché. Et cette récompense, elle va être augmentée et multipliée par les nombreux pas. Plus les pas sont nombreux, plus la récompense sera grande. Il se peut que la personne ait du mal à faire ses pas. Il se peut que la paresse, la fatigue, soient des obstacles à l'accomplissement de ses pas. Mais si la personne franchit ses obstacles et franchit ses embûches et accomplit ses pas en direction de la mosquée pour aller accomplir la prière, alors sa récompense sera immense, Inch'Allah ta'ala, et elle sera augmentée. Également, il a mentionné attendre la prière jusqu'à l'autre prière. C'est une chose qui est difficile pour les gens, de rester à la mosquée d'une prière à l'autre. Donc si la personne arrive à prendre le dessus sur son âme et à repousser cet obstacle, l'amour de la paresse, l'amour de la distraction, et reste à la mosquée à attendre la prière, alors elle obtiendra une récompense augmentée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également, parmi les preuves de cette règle, il y a la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith rapporté par l'imam al-Tirmidhi rahimahullah ta'ala, d'après Anas ibn Malik radiyallahu anhu, qui a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: viendra aux gens une époque ou celui qui patientera sur sa religion sera comme celui qui empoigne une braise. Sera comme celui qui empoigne une braise. En raison de la difficulté qu'il y aura à rester ferme sur la religion, il fera face à beaucoup d'obstacles, l'empêchant de se maintenir droit sur sa religion. Il y aura de nombreux troubles, des ambiguïtés, des tentations. Beaucoup de gens se détournent de la religion. Beaucoup de gens sont plongés dans les péchés et les mauvaises actions. La foi sera affaiblie. La droiture sera peu apparente. La perversion sera manifeste. Mais il reste ferme, il fait face à tous ces obstacles et toutes ces embûches pour rester droit sur sa religion. Et il n'y a pas de doute que ceci démontre que ce serviteur est doté d'une foi forte et d'une certitude évidente, et c'est pour cela qu'il fait partie des meilleurs des créatures et des plus élevés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et des plus immenses en rang et en mérite. Et celui qui reste ferme sur sa religion dans cette situation, il n'y a pas de doute qu'il verra sa récompense augmenter auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si on souhaitait résumer ce que l'on a mentionné dans ce point, on pourrait mentionner la règle bien connue et citée par les gens de science qui est que la récompense est en fonction de la difficulté. C'est-à-dire que plus la personne va faire face à des difficultés pour accomplir une bonne action, plus sa récompense va augmenter. L'imam Sa'di rahimahullah ta'ala a dit « Plus la difficulté est grande dans le fait de patienter dans l'accomplissement de l'obéissance et dans le délaissement des interdits, en raison des nombreuses choses qui appellent à commettre ces interdits, et plus la difficulté est grande dans la patience face aux épreuves, plus la récompense est immense et la rétribution abondante. » Et ceci motive le croyant à redoubler d'efforts pour faire face à toutes ces difficultés qu'il peut rencontrer sur le chemin de l'adoration de son Seigneur. Quelles que soient les difficultés auxquelles tu fais face, rappelle-toi que les supporter et les franchir te permettra d'obtenir une récompense augmentée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, a mentionné d'autres causes que l'on verra lors des prochaines assises, inshallah ta'ala. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.